quitter la police. Maintenant, tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un bateau de chiens qu'on mène crever dans une île. Mais alors apparaît la belle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre chair de coquin. Et dans la forêt solennelle, où la mort guette à chaque pas, même lorsqu'elle ne vient pas, c'est elle qu'on appelle la belle.